واكثر الناس يظنون بالله يظن الثوب يظن الثوب فيما يختص بهم فيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله واسماءه وصفاته موجب حكمته وحمده الا في بعض الناس يستمون pense du mal d'Allah parce qu'il leur arrive à travers ce qui arrive aux autres également et personne n'échappe à cette pensée là à part celui qui aura connu Allah c'est que ses noms et attributs et ce qui implique sa hikma eux sauront pensant du bien même si la chose apparaît comme étant mauvaise à l'œil en premier lieu sauf qu'il y a un khair derrière la présence du feu il y a un khair derrière la mort il y a un khair derrière la présence d'Iblis il y a un khair derrière les gens disent pourquoi le mal pourquoi la mort pourquoi la souffrance pourquoi la famine pourquoi la maladie pourquoi tout ça pour nous éprouver car si tout le monde était sur le khair et tout le monde croyait d'apparaître la valeur des gens n'apparaîtrait pas tu prends un exemple parmi ces gens-là qui parlent comme ça tu dis toi par exemple tu aimes le football on va dire oui tu aimes tel joueur on va dire oui il dit ce joueur-là comment serait-il appelé si tout le monde joue bien au football quelle serait sa valeur à tes yeux il n'en aurait plus pourquoi est-ce que tout le monde joue bien au football si tout le monde avait le même niveau que lui au football bah, il serait plus qui il est à tes yeux c'est vrai il va dire ouais et ben nous à titre au niveau de la foi au niveau de la valeur humaine réelle pas celle du football qui n'a pas de valeur pour nous et ben les gens de bien n'apparaîtraient pas on est tous comme ça cependant cette valeur elle apparaît comment par l'épreuve d'accord qui fait face qui patiente, qui comprend pas. Et ce que tu vois comme étant un mal, en réalité, ça apparaît comme étant un bien. Tu vois des enfants mourir, mais ça fait de la peine. L'enfant, à la cour sahih, fait le jannah. Valait mieux que cet enfant meurt maintenant et soit épargné de bien des souffrances, et il est au jannah. En réalité, il a été soulagé. Il ne vivra pas ce que toi, tu as vécu comme mal qui peut-être aurait été une cause pour que tu dévies. Bah lui, il sera meilleur que toi, le Qiyama. En train de pleurer sur lui, pleure sur toi. Toi, t'es encore vivant et t'as pas de garantie. Lui, selon le Qaul, comme il y a un khilaf par rapport aux enfants, déjà, si c'est un enfant de musulman, khalas. Là, c'est le ijma. Les enfants des croyants sont au Jannah. Le khilaf, c'est l'enfant des mushrikines. Et le Qaul, qui paraît comme étant plus fort, c'est qu'ils aussi sont au Jannah. Donc toi, tu pleures sur lui, il pleure sur toi en premier lieu. Car tu ne sais pas où tu vas finir. C'est pas où tu vas finir. Mais non, on dit pas, ça fait de la peine. Ça fait de la peine, bien sûr, de voir un enfant mourir, un enfant souffrir, ça fait de la peine. Mais, il n'y a pas de pourquoi. Nous, on sait que c'est une hikma d'Allah, Azzawajal. Sur la Telkaf, on n'est plus l'exemple. Cet enfant que, Al-Khadi, il l'a tué. Pourquoi il l'a tué? Déjà, on dit un enfant, c'était pas un enfant. C'était un balir. C'était pas un enfant, il y a Mukallaf. Il était Mukallaf, ce jeune qui était tué par le... Parce qu'il a dit quoi? Moussa, a tué une âme sans qu'elle n'ait commis ce qui valait le talion. Donc, ce n'est pas, ça avait été un enfant simple. Il n'y a pas de talion. L'enfant n'est pas mukallaf. Donc, ce verset, comme l'a dit Cheikh Abdel Hamid, indique que ce jeune garçon qui a été tué, il était balir. C'était pas un enfant. Dans le sens où il était balir. Pourquoi? Sans quoi? Même s'il avait tué quelqu'un, l'enfant ne le tue pas. Et là, il a bien dit, quand tu as nafs zakatan bi ghayr nafs la quand tu as chez un nukra donc al khadir savait d'Allah que cet enfant en grandissant allait être une cause d'égarement de ses parents donc on est mieux qu'il meurt maintenant et il allait mourir kafir de toute façon quoi qu'on fasse d'accord c'est venu dans le verset que al khadir savait qu'Allah avait décrété que cet enfant allait mourir kafir. Donc, autant qu'il meurt, et que ses parents qui étaient croyants soient épargnés de son mal. Et plein de choses comme ça nous touchent, on n'est pas au courant, on ne sait pas forcément, on n'a pas à le savoir. Sans la mort, elle vient, nous on agit en conséquence. On patiente, on enterre, on lave, on fait ce qu'on a à faire. Après, le pourquoi du comment ne revient pas. Si c'est un kafir, eh bien on le maudit. Et si c'est un musulman, on fait dua qu'Allah lui fasse miséricorde. Si c'est quelqu'un qu'on a connu pour le bien, on sait pour lui le bien. C'est quelqu'un qui était connu pour le mal, même parmi les musulmans. On craint pour lui un châtiment, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Summa qal, ليعتني اللبيب الناصيح لنفسي لي بهذا وليأتوب إلى الله تعالى ولاستغفره من ظنه بربي ظن السوء ولو فتشت من فتشت لا رأيت عنده تنعوتا القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكسر ففتش نفسك هل أنت سالم وكلا دي celui qui est intelligent alors qu'il pense à lui-même comme on l'a expliqué qui se conseille lui-même et qu'il se repente auprès d'Allah Azza wa Jal que l'on pardonne si jamais il a une pensée de mauvaise pensée il a dit si jamais tu fouilles chez les gens tu verras que beaucoup de gens ce qu'ils ont c'est justement une protestation du Qadar et ils n'aiment pas ce qui leur arrive d'accord ils disent ça ne va pas être comme ça mais ça va être de telle façon pourquoi d'accord pourquoi telle chose pourquoi telle chose et ça revient à quoi contester le Qadar donc il a dit toi fouille en toi quand une chose te touche et vois quel est ce sentiment que tu ressens pour savoir de qui tu fais partie de ces gens là qui contestent le Qadar ou des gens qui s'y soumettent après il a dit des abiettes فَإِن تَنْجُو مِنْهَا تَنْجُو مِنْ ذِي عَظِيمَةً وَإِلَيْ فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيَةً Il a dit, si jamais tu es épargné de ce mal, tu es épargné d'un grand mal, de penser du mal d'Allah, Azza wa Jal. Sans quoi, la deuxième partie du vers, je n'ai pas bien compris, je pense qu'il veut dire, sans quoi, je pense que tu ne réussiras pas. Si jamais tu penses du mal d'Allah, tu ne réussiras pas. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire dans le verset. Dans le vers, il veut dire. Voilà, donc c'est très important, lorsqu'une chose nous touche, on cherche en nous, la tristesse, elle est là. La peine, elle est là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on ressent un mécontentement dans le sens, ça aurait pu être comme ça? Pourquoi il y a eu ça? À part, c'est un pourquoi qui amène à te réformer. Genre, quel mal j'ai fait pour que je cherche, je fasse tawba, en fait. D'accord? Mais quelqu'un qui dit, pourquoi dans le sens, je ne mérite pas? Ça, ah, tu mérites. Comment tu ne mérites pas? À la base, Allah Azza wa Jal te donne du khayr par sa rahma. Et en réalité, tout ce qu'on a comme bien, on ne mérite pas. Allah bihikmat bi rahmati. Sans quoi c'était justice pure, on n'aurait quasiment rien. Et tout le mal qu'on fait, matin et soir. Donc il y a pourquoi, il y a pourquoi. Il y a pourquoi dans le sens, je cherche le mal que j'ai fait pour me repentir et réparer ma faute. Et il y a pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le sens, j'ai rien fait en fait. Tu vois? Dans le sens, j'ai rien fait. Je ne verrai pas ça. Donc pourquoi j'ai subi telle chose, tu vois? Celui-là qui est dangereux. Et puis même du kufr. Wa li'azu billah. La yus'alu an ma yaf'alu wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. Jamais oublier cela.